c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, il y a assemblage requis. Alex Marchand, président de l'Association générale des étudiants, viendra nous dire ce qui se trame à la GUQTR et on cherchera ce qui crame dans la chronique alimentaire. Grosse pointe en dresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis. En ce jeudi 24 novembre 2016, on est à 154 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Blanc. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania. Aujourd'hui, tu pourras pas commencer en disant qu'il fait super frette. Non, c'est ben c'est pas si pire. Ouais, c'est quand même correct. Bon. Ouais, quand même. C'est la journée aujourd'hui où, où je suis là parce que je me suis engagé à y être. Oui. La journée où, genre, si je n'étais pas payé pour le faire, je ne le ferais pas. Oui, exactement. Ouais. Pas parce que t'es fatigué, mais bien parce que t'es malade. Ben en fait, je pensais que c'était un rhume. Je pense encore que c'est un rhume, en fait, je sais pas trop, mais comme j'ai mal aux muscles. Oui, c'est ça, ça a l'air d'être musculaire. C'est peut-être une grippe, c'est ça que tu veux me dire? Ouais. En tout cas, je me sens pas fait fort, mais c'est pas grave, on va faire quand même une émission de 2 heures ensemble le mieux possible. Prends des vitamines. C'est ça. Hier, j'étais pas au Mathieu Plancho. Non. Donc aujourd'hui, ben c'est la dernière émission de la semaine. Après ça, on peut s'en remettre jusqu'à lundi matin. Donc, le plan d'aujourd'hui à 8h, on a Alex Marchand de la GAUQTR qui va nous présenter les activités passées, présentes et à venir pour l'Association Générale. On a aussi une grosse pointe en dresse vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le produit. Mm-hmm. T'es fine? Oui. Merci. Ça fait plaisir. On va commencer avec toi dans quelques instants. Tania Sgolan-Jetenia, qu'est-ce que tu nous présentes? Bien, c'est jeudi. On fait le retour sur ce qui a retenu mon attention dans l'actualité, qui n'a pas nécessairement été des grosses nouvelles. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de patates de CHSLD ou de ce qui s'est passé un petit peu partout sur les gros réseaux. Mm-hmm. Je vais vous parler de ce qui a retenu mon attention, mais qui est peut-être un petit peu plus dans l'ombre. Oui, voilà. des nouvelles alternatives. Ouais. Je regarde l'heure, peut-être pas dans quelques instants, ça risque de défoncer trop après 8 heures. On fera ça après Alex Marchand. Ben oui, certainement. On va y aller vraiment mollo aujourd'hui, si ça ne te dérange pas trop. Ben... Non. Écoute, hein? On fait comme on veut. On follow the lead. On follow the lead, exactement. On go with the flow. Et c'est moi qui ai le lead aujourd'hui. Oui, c'est ça. Sans problème. Une nouvelle entrée de Croy. Ouais. Ouais. Écoute, Bones. Bones. Parce que j'ai mal aux os. C'est pour ça, assemblage requis. Bones de Croy ce matin à l'assemblage requis. Oui, mais non, c'est le moment de parler un petit peu d'Action de grâce. On va parler de dinde. De dinde. C'est son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on monte une liste sur un sujet plus ou moins précis. Tania a vu la photo du premier article. Ah, c'est dégueulasse! Ouais, je sais. Est-ce que t'as quelqu'un dans ta famille, une tante, peu importe, qui fait des drôles de recettes à l'Action de grâce? Des drôles? Adoptable, mais non, pas vraiment. Si, quand, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait le classique, là, la dinde avec la petite confiture de canneberge. Ouais. Mais des recettes bizarres, non. Peut-être fromager, des sandwichs. Tu sais, des sandwichs. Plein de fromage, là, fait-tu long, ça fait vraiment. Non, même pas. Non. Bref, moi, ça, c'était ça. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là, okay. de trucs au fromage. Mais bref, c'est des recettes qui existaient dans le temps, qui étaient bien dans la mode, mm-hmm. mais qu'on a arrêté de faire avec le temps. Donc, on va essayer de faire une liste de ça. Pour commencer, salade canneberge chandelle. C'est. Ouais. OK. Donc, c'est de la. Bon, on dit qu'il n'y a rien qui complète la saveur rafraîchissante de la canneberge comme de la gélatine et de la mayonnaise aux œufs très salés. Ah. Cette recette demande de mettre une vraie chandelle là-dedans et de l'allumer. Mais voyons. Dans la recette, tu mets des vrais comme un gâteau de fête. Là. Puis tu peux en faire la forme que tu veux. Et, ouais, et t'es supposé manger autour de la cire fondante. Ah, ben oui. Ouais, ça s'appelle le Cranberry Candle Salad. Ensuite, des patates sucrées. C'est une recette qui demande donc des patates sucrées, ben vraiment très très sucrées, et on les met dans un mélange de beurre, de sucre et de Angostura Bitters. Ok. Je sais pas qu'est-ce que. On va chercher ce que c'est dans quelques instants, mais ça, on dit que ça, c'est pour couper un petit peu le côté sucré des patates douces, des patates sucrées. Et puis donc, Angostura Bitters. C'est de la boisson. De la boisson. Ok, oui. Oh, miam. C'est. Ça s'appelle Angostura, pareil français. C'est un assaisonnement de couleur brune à base de rhum, de gentiane, d'écorce d'orange, de substances amères et d'aromates. Hmm. Il s'agit d'un concentré d'essence utilisé pour des cocktails. Ah, intéressant. Ça a pas l'air si mauvais, ça. Ouais. Ensuite, de la dinde et de la farce sur du Jell-O. Arc, non! C'était vraiment la mode. On voit le plat qui est vraiment du Jell-O en dessous avec de la salade tout le tour et à l'intérieur de tout ça, la dinde et la farce. Pas grand-chose à dire de plus. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueu. C'est une anneau de Jell-O à l'orange canneberge. Qui mange de arc? J'imagine que le côté canneberge, comme la confiture, comme tu dis, les atokas qu'on appelle. Ouais. Peut-être que ça goûte un peu ça, mais je pense pas. Ensuite, des oignons en crème. Okay. C'était un plat très populaire pour l'Action de grâce dans le temps. Ça a été négligé ensuite. L'idée était de verser des oignons qui ont été comme crémés si ouais. on veut, sur de la dinde, un peu comme on fait avec de la sauce brune, okay. pour ajouter un petit peu de côté moins sec. C'est de la dinde, c'est sec mm-hmm. quand même pas mal. Donc, on essaie d'humidifier ça un petit peu. Je sais pas. Un peu comme un potage aux oignons. Exactement. Ouais. Ensuite, winter corn, c'est du maïs hivernal, donc un mélange de maïs, de crème sûre et de bacon qu'on retrouve encore un petit peu aujourd'hui sur les tables du Midwest. Donc c'est l'ingrédient principal, c'est du maïs en crème. Pas comme l'oignon en crème, mais maïs en crème. Ça, on a tous déjà mangé ça. C'est pas aussi pire que le Jell-O, là. C'est pas aussi pire que ça. C'est ça. On dit qu'ajouter du bacon améliore un petit peu le goût de ce maïs. Ensuite, c'est une salade aux légumes et à la dinde gelée. Arc! C'est dégueulasse. Donc, c'est Jellied Turkey Vegetable Salad qu'on met dans le congélateur. On combine de la crème de céleri, de la soupe de crème de céleri, de la vinaigrette, de la dinde en dés, des légumes et de la gélatine. Donc, c'est vraiment comme faire du Jell-O, mais avec une tarte pâtée à la dinde un peu, genre mélangé ensemble, et carré, cubique. Et froid. Et froid. J'ai oublié de dire gelé. Absolument, absolument. Ensuite, le prochain s'appelle le Jell-O Fruit Cornucopia. Donc, c'est une version du... comment t'appelles ça? Tu sais, le pain aux fruits. Ah, oh, oui! Sauf que c'est une version au Jell-O, avec des fruits à l'intérieur. Et, ah, bon? Ouais. Et tu peux manger ça d'un coup sec, apparemment. Ensuite, tu as du popcorn sucré-salé au tang. Ou Tang. Ouais, on appelle ça aussi du popcorn d'astronaute. C'était un populaire dessert dans les années 70. C'est comme du caramel, du maïs soufflé au caramel, mais avec de la poudre de Tang comme le jus d'orange. Ew. Ouais. Et finalement, du hot Dr. Pepper. Ah, ouais, okay. Dr. Pepper a essayé vraiment de partir une mode avec une boisson gazeuse qu'on ne croit pas réconfortante d'habitude, mais qui peut le devenir si on la fait bouillir. La liqueur. Ouais, pourquoi pas? Je suis pas sûr. Hot Dr. Pepper. Ensuite, on y va vraiment avec des affaires faciles aujourd'hui. Je me casse pas trop la tête avec une liste de choses à rajouter dans votre sandwich au beurre de peanut pour le rendre un peu meilleur. Moi, en tout cas, les beurre peanut, ça me rappelle mon enfance. Mm-hmm. Je mélangeais ça avec la confiture comme tout le monde. Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur le mix beurre de pin confiture. J'ai jamais amené ça comme lunch à l'école, mais au moins, j'en mangeais chez moi. En fait, avant, je mangeais pas de beurre de pinot. J'aimais pas le goût du beurre de pinot. J'ai commencé, ça fait vraiment pas longtemps. Oh. En fait, j'ai commencé en appartement parce que... T'as pas le choix. C'était... Ouais, c'est ça. C'est plus du biscuit soda. Hein? Exact. Et bon, biscuit soda. Bref, si vous êtes pas un super bon chef, voici quelques petites idées pour faire de meilleurs sandwichs au beurre de pin, vous, chers peut-être étudiants. En essayant une autre sorte de beurre ou une autre sorte de noix. Hein? Donc, c'est super populaire. Le beurre d'arachide, c'est rempli de protéines, ça remplit, c'est super le fun. Mais tu peux aussi trouver du beurre d'amande, de cachou, de noisette dans votre supermarché local. Il y a d'autres variétés encore plus qui existent dans les magasins spécialisés, comme du beurre de graines de tournesol et du beurre de graines de citrouille. Hein? T'as aussi du Brazil Nut Butter, donc des noix brésiliennes, et du beurre de pistache. Chacun a des propriétés différentes et ça vous donne une saveur distincte sans sacrifier la texture crémeuse qu'on aime tant. Ensuite, on vous offre de faire des expériences avec des confitures qui pourraient être sucrées et des confitures de d'autres sortes que ce que vous prenez d'habitude. Habituellement, en tout cas, aux États-Unis, la tradition est de la confiture de raisin avec les PB&J. Je ne sais pas si tu savais ça, moi je ne savais pas. C'est apparemment ce que les gens choisissent, la confiture de raisin. Mais bon, oui, je ne savais pas. Ce qui est parfait pour aller avec du beurre d'arachide. On peut essayer aux fraises, aux framboises. Je pense que c'est plus classique ici au Québec. T'as la mangue, t'as les mûres bleuets. Il y a des fruits que je connais pas là-dedans, comme le boysenberry et red plum. Plum, j'imagine que c'est comme des pruneaux. Donc, pruneaux, chose comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Ensuite, on vous demande, on vous suggère de faire griller ou encore faire frire votre pain. Ah, ouais? Ouais, pourquoi servir un sandwich au beurre d'arachide froid? Vous pouvez aussi le faire griller dans un grill à panini, le faire frire dans de la graisse et le faire griller sinon, bien sûr, au four, au petit four. OK, parce qu'une tartine de beurre de pin en temps normal, c'est pas toasté. C'est ça. OK. Une tartine et non pas une toast. Ouais, c'est ça. Exact. OK. Ensuite, ajoutez du croustillant. Ah oui, avec du beurre de pin. Est-ce que t'aimes ton beurre de pin? Ouais. Tu le manges comment, toi? Doux, extra doux? Écoute, moi, je le prends comme il est et comme je le feel. Bon. Les prix, genre, c'est le moins cher. Ouais, c'est ça. Mais pas la marque maison. Mais c'est ce que bien souvent, je vais acheter plus du beurre d'amande que du beurre de pinot. Bon, t'es déjà fancy pas mal par rapport à notre liste. C'est meilleur pour la santé. Ouais. Donc, on laisse tomber les beurres d'arachide faits croquants à la base. On va acheter un pot de beurre d'arachide normal et on va se faire son propre mélange croustillant. On peut mettre des graines de plein d'affaires, du granola, des flocons de noix de coco. Et si les calories ne vous importent pas, vous pourriez essayer des morceaux de biscuits égrenés. Des croustilles qu'on vous suggère, oui, pour le sucré salé. Genre des chips? Oui. Ew. Et des sprinkles à gâteau. Hé, là, pour vrai, là. Ben là, t'es rendu dans une autre game. Non, mais c'est à essayer. Avoue que t'as jamais pensé à ça. Là. Tu peux faire des mini carrés pour une fête d'enfant, mettons, là. Avec des sprinkles dessus. Wow, c'est tellement beau en plus à côté des carrés Rice Krispies. Ben oui. Ensuite, épicer les choses un peu. Hein? Allez chercher dans votre armoire à épices un petit pincé de cannelle, d'épices de citrouille, d'épices tarte aux pommes, de la noix de muscade, des clous de girofle, de la cardamome. Tout ça dans votre beurre d'arachide. Et si vous voulez un petit kick de plus, on vous suggère de mettre du poivre de cayenne ou de la poudre de chili. Oh, OK. Dans votre beurre de pin. Si vous avez déjà essayé le chocolat à la poudre de chili. Oui. C'est quelque chose, c'est différent, Mosey, ça. Donc, imaginez ça dans un sandwich. Ensuite, deux étages. C'est le prochain conseil. Oh. À la place de manger un club sandwich, faites-vous donc un club PB&J. Si okay. Donc, trois tranches de pain qu'on couvre, on en couvre deux de confiture et une de beurre d'arachide. On place le côté beurre d'arachide, côté collant vers le bas sur une des tranches couvertes de confiture. Et ensuite, on ajoute plus de beurre d'arachide de l'autre côté et on place une autre tranche couverte de confiture et on coupe ça en petits triangles comme un club sandwich. Oubliez pas les bananes. Oubliez pas les bananes et les cure-dents pour faire vrai. Ensuite, on dit d'essayer différents pains. Ah, ben oui. Hein, tasser le pain blanc de là, tu sais, pour une baguette peut-être. Un pain de grain entier, des muffins anglais. Des muffins anglais. Des tortillas, peut-être même roulées comme un burrito pour faire ça. J'ai déjà fait ça. J'avais fait ça. C'est où j'avais mangé ça? Je pense que c'est aux États-Unis il y a quelques années. Dans un déjeuner, ils te servaient tes toasts à la place. C'était justement des tortillas roulées. C'est le fun. C'est vraiment cool. Sur une crêpe aussi, peut-être. Ah, ben oui. Rouler, ça fait plus épais un peu. C'est vrai. Ensuite, on vous suggère de manger ça pour déjeuner. Donc, ajoutez du beurre d'arachide dans vos crêpes, des croissants, des pancakes. Évidemment, il y a la différence entre pancakes et crêpes m'échappe toujours. Mais bon, quelqu'un la sait. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Du pain doré. Ensuite, changez la confiture pour des fruits. Si vous cherchez à couper un peu dans le sucre, vous pouvez échanger vos tartinades préparées pour des fruits frais comme des raisins, des bleuets, des fraises. Et si la texture de la confiture vous manque, ce qui est rarement mon cas, la texture de la confiture, je ne traite pas ma main. Ah ouais? Vous pouvez essayer de passer les fruits et les faire sauter comme dans un wok. Oh, ben oui. Avant de les mettre dans votre sandwich, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Ouais. Ensuite, mangez votre beurre d'arachide comme une vedette. Okay. D'accord. Est-ce qu'on va parler d'Elvis Presley? Je ne sais pas. Hein? Oui, donc le pionnier du rock and roll aimait sa petite twist sur le sandwich au beurre d'arachide. À la place de manger ça avec de la confiture, il préférait des bananes, mais pilées. Oh mon Dieu, tellement! Il aimait aussi que le pain soit grillé dans une poêle, dans un poêlon, jusqu'à ce qu'il soit doré, brun doré. Ah oui. Il aimait ça comme ça avec des bananes pilées. Avec des bananes pilées. Hey, allô? Allô, bonjour, comment allez-vous? Je pense que c'est ça. Oui. Tu vas te prendre pour Elvis avec les hanches qui vont te... Ensuite, changez ça en dessert à la place. OK. Votre beurre d'arachide. Donc, du fluff au guimauve. Là, tu sais, la tartinade au guimauve. Ouais. J'ai jamais coupé là-dessus, moi. Mais une fois de temps en temps, j'aille pas ça. Et en plus, ça en prend tellement sur une toast que tu fais trois dîners. Ah, mon Dieu, tant que ça. Il n'y a pas grand-chose dans le tout. Dans le pot. Bref, du fluff à la guimauve, du sirop de chocolat et du chocolat fondu, des peanut butter cups avec chocolat, là, tu sais, des Reese, peuvent transformer votre sandwich de tous les jours en un dessert unique. Si vous cherchez quelque chose de plus décadent, vous pourriez utiliser même des morceaux de pound cake à la place du pain. Tu sais, le gâteau moelleux, là. Miam. C'est vrai. Pound cake, est-ce que c'est celui qu'on appelle un 4 quarts en français, je pense? Je pense que oui. Je pense que oui. Ensuite, ajoutez du petit peu de cute. De glamour, de pizzazz, avec des coupes biscuits. Ah, OK. Donc, on utilise des coupes biscuits pour couper votre sandwich au beurre d'arachide en petits sandwichs comme en forme d'arbre de Noël, de bonhomme de neige, de flocons de neige, etc. Des cœurs, des étoiles, des dinosaures, peu importe. Ensuite, on va se faire un sandwich au beurre d'arachide qui est inspiré par la Thaïlande. Ah, d'accord. Mm-hmm. Tu vas mettre des petites nouilles, c'est ça? Peut-être. À la place de commander pour emporter ou à commande par téléphone, peu importe de votre restaurant asiatique préféré, vous allez vous faire votre sandwich inspiré par la culture thaï. Donc, vous allez couvrir votre pain de grain entier avec du beurre d'arachide qui n'est pas sucré. Okay. Vous allez rajouter de la poitrine de poulet rôtisserie. OK. Des concombres en tranches, des carottes effilochées, des oignons rouges tranchés et de la sauce piquante. Pour faire comme un poulet à la sauce au beurre d'arachide. C'est ça, exact. Thaïlandais, c'est tellement bon la sauce au beurre d'arachide. Pour vrai, ça doit être un méchant bon mélange, même si clairement, c'est des choses qu'on mettrait jamais ensemble par hasard. Hein. C'est vrai. Ensuite, ajoutez des œufs à sur votre beurre d'arachide. Sur du beurre de pin? Ben, en fait, vous allez garnir votre sandwich au beurre d'arachide d'un œuf poché, d'un œuf frit ou d'un œuf brouillé. OK. Ça a l'air un peu dégueulasse, mais votre palais adulte, nous dit l'article, pourrait apprécier la combinaison du jaune d'œuf salé et riche avec la saveur sucrée du beurre d'arachide. Mon palais doit pas être rendu à cet âge-là encore. Je suis pas rendu là non plus, mais bon. C'est qui j'ai déjà dit à un moment donné que je connaissais qui mangeait du beurre d'arachide avec de la mayonnaise? C'est pas toi qui faisais ça? Non. Mais c'est à moi que tu l'as dit. David? Mais je me souviens plus qui le fait. En tout cas, quelqu'un dans notre entourage fait ça. Dégueulasse. Ensuite, on dit de mettre un petit coulis de miel sur votre beurre d'arachide. Ben oui, moi je fais ça. Ah, selon les experts en fitness, un sandwich au beurre d'arachide fait sur du pain entier, grain entier, oui, avec un petit peu de miel, c'est parfait pour après l'entraînement. C'est rempli de glucides, c'est ça qu'on dit, qui sont bons pour la santé et c'est facile à faire et à manger sur le pouce. C'est merveilleux. Pour vrai. Dans la bouche. J'aurais jamais pensé. J'ai vu une twist sur Internet cette semaine. Tu sais, les fameuses galettes de riz nature. Ouais. Tu mets du beurre de pin dessus, un petit peu de miel et des bananes. Oh boy! Ta galette de riz vient remplacer ton pain. Et apparemment que c'est très, très, très nutritif. Tu pourrais te mettre des morceaux de brie puis des noix aussi. Parfait comme le truc au four, là, oui, au fromage. Tu passes au four. Tu passes au four. Ah ouais, tout à passer au four. Mets ça dans l'huile. Ben oui. Non, Mathieu. Ça, non. C'est moins bon pour la santé, ouais. Voilà, c'est tout pour son football palmarès. Les deux listes sont sur les notes de l'émission d'aujourd'hui d'assemblagerequis.com. Émission numéro 1028. Voilà. On prend une pause. Au retour, c'est Alex Marchand et la chronique de la GEQTR. Restez là. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à Assemblage Requis en ce jeudi 24 novembre 2016. C'est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Et on reçoit maintenant Alex Marchand, président de la GEQTR. Salut Alex. Bonjour. C'est la chronique donc de la GEQTR. AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. C'est donc la chronique de la GEQTR, Alex Marchand, qui est avec nous comme chaque semaine pour parler des actualités du passé, du présent et du futur de la GE. Que oui. C'est comme un voyageur temporel. Et on commence avec le CA qui avait lieu dimanche. Oui, effectivement. Bref, ça a été quand même une bonne réunion. On a fini pas trop tard. On a pris une petite bière au bar après, donc ça a super bien été. Entre autres, comme highlight, je pourrais dire, on a réélu en fait un intérim au poste de vice-présidence aux affaires académiques. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé de poste permanent. Ouais. C'est même un poste difficile, c'est quand même beaucoup d'engagement. Je peux comprendre que c'est un peu plus long. Monsieur David Redmond, président de l'ASK, l'Association des étudiants en sciences comptables et administration, a pris l'intérim pour le poste en remplacement d'Alexandre Beaudoin, qui était un des vice-présidents de ITR. Donc, il rentre en poste tranquillement. On est en train de lui dire un peu qu'est-ce que son poste va comporter, puis comment prendre en charge le cahier d'étudiants. Donc, ça va super bien jusqu'à maintenant. On est bien content de l'avoir avec nous. J'étais convaincu que les Redmen, c'est les ennemis jurés de QTA, mais finalement, on est capable d'être conciliés un peu. Oui, effectivement. On peut mettre de l'eau dans notre vin. Ensuite, on a discuté un peu de plusieurs points, entre autres le barbecue, la Coupe des Assos, Rallye des Assos, qui sont d'ailleurs tous des activités qui vont super bien. Il y a une tribune libre aussi qui arrive. Je vais en parler lors de la chronique la prochaine semaine. Donc, il va y avoir Mme Ariane l'Italien et Mélanie Lemay, deux personnes qui ont passé à Tout le monde en parle il n'y a pas si longtemps que ça concernant la culture du viol dans les universités, entre autres, et la violence sexuelle dans les universités. Donc, ils vont venir faire une conférence sur le sujet pour sensibiliser les étudiants sur le sujet à l'UQTR ici même. Donc, on a bien hâte de les recevoir puis de voir de quoi va être question dans leur conférence, vraiment. On a fait un retour sur le 5 à 7 du premier cycle qui se déroulait la semaine dernière. Il y a eu pratiquement une centaine de personnes. On a manqué de pizza et de bière. Donc, c'est un mal pour un bien parce qu'on s'attendait pas à ça. Puis il y a eu tellement de monde que ça a super bien été. On était super contents. Fallait faire des tartines au beurre de pinette. Oui, effectivement. Elle m'avait donné faim tantôt, j'avais le ventre qui gargouillait en m'en venant dans ma voiture. Moi aussi. Ah, c'est clair. Ensuite, on a parlé un peu de différents avis de motion. Ça, c'est quelque chose. C'est un document qu'on dépose dans le CA pour en discuter dans un CA futur. Donc, il y en a eu plusieurs aussi. Ensuite, on a parlé de projet Recycle aussi. C'est un projet ça qui va être fait par le Bac Vert, qui est le comité un peu en développement durable environnemental. Il y a un projet présentement de recyclage de contenants en plastique. Ils vont sont achetés d'acheter une machine sur mesure pour pouvoir usiner ces pièces-là, puis pouvoir revendre ça, puis financer leurs différents projets. Donc c'est un projet quand même ambitieux. Je vous dirais que la machine n'est pas donnée, sauf qu'ils sont en train de faire le tour de différents acteurs autour de l'UQTR pour financer ce projet-là. On a décidé, nous, le GEQTR, d'embarquer aussi puis de donner un montant pour ce projet-là, pour faire en sorte que ça puisse se réaliser, parce qu'on considère que c'est vraiment une belle optique de développement durable, puis un projet qui est merveilleux. J'ai une question pour toi, à parenthèse, comme ça. Je me rappelle pas si je t'en ai déjà parlé spécifiquement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aucun recyclage de canettes ou bouteilles près de la chasse-galerie depuis quelques mois? Depuis quelques mois, ouais, ça, je la grosse sais boîte pas. De tu sais, là, c'était une boîte blanche et verte. Ok, non, ça j'ai pas vu. Ah, ça, j'ai. Faudrait parce que je les gens jettent de la bouteille dans la poubelle, puis je trouve pas ça cool. Non, c'est vrai. Effectivement, t'es pas le premier à en parler d'ailleurs. C'est une optique que je vais devoir vérifier à court terme. C'est sûr que ça amène une certaine. Au niveau de la production, c'est sûr que c'est un peu plus lent, peut-être, c'est un peu plus compliqué au niveau des serveurs, mais c'est quand même un suivi que je vais faire au niveau de la gérance de la trésorerie. Sûrement quelqu'un l'a enlevé à un moment donné. Oui, effectivement. Quelqu'un m'a amené la théorie que peut-être qu'ils ont pu la personne employée pour aller vider cette. Ouais, peut-être aussi. Non, sérieusement, je vais m'informer. Je peux intervenir peut-être la semaine prochaine là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant. On en a d'ailleurs déjà parlé avec la présidente du comité, comité de développement durable de l'UQTR qui m'avait déjà soumis la problématique. Sauf qu'on doit la rencontrer à nouveau. Puis je pense qu'on va quand même. On va donner suite à ça. On est revenu sur le sommet de développement durable qu'on a déjà parlé ici au CA. Et on a eu le point assistance financière. On a débattu des montants qui doivent être accordés aux associations de niveau 2. Donc, ces associations-là ont pu remettre avant le 1er novembre une demande de financement, en fait, qui vont pouvoir avoir un certain montant selon le nombre d'étudiants qu'ils représentent, avec un montant minimal de 200$ et un montant maximal de 1500$. Donc, il y a eu quelques débats suite à des associations qui n'ont pas assisté à suffisamment de CA pour pouvoir se voir donner ce montant-là. Puis, il y a eu débat justement sur la question, est-ce qu'ils devaient recevoir ce montant-là ou non. On a parlé de la campagne des paniers de Noël qui se déroule déjà en ce moment jusqu'à à peu près à la jusqu'au temps des fêtes, en fait. Si vous passez dans le corridor du pavillon de la vie étudiante, entre autres, je pense un peu partout dans l'université, vous allez voir des grands bacs dans lesquels vous allez pouvoir mettre des denrées non périssables que ce moment-ci, c'est le bon camarade qui les ramasse et qui va pouvoir les donner à des étudiants dans le besoin. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une belle initiative pour les étudiants qui sont peut-être moins chanceux, mais qui veulent quand même avancer et qui veulent quand même étudier. Donc, si ça nous touche encore plus, je dirais... Ça touche encore plus proche que quelqu'un qu'on connaîtrait pas, qu'on va dropper ça à l'épicerie. C'est plus loin, tandis que ça, on est vraiment avec des étudiants, puis c'est des gens qui nous ressemblent un peu. Oui. ensuite, on a abordé le sujet de la cuisine froide de la chaise-galerie. Le projet a été présenté au CA officiellement. La dernière fois, c'était un mandat qui avait été donné de vérifier la réalisation de ce projet-là, est-ce qu'elle était faisable. Finalement, c'est avéré que oui. Oui. Donc, aujourd'hui même, à midi, on se réunit dans le comité OSAD. Qui est le comité de l'organisation des services de la GEQTR. On va mettre en place le comité d'embauche avec la gérance de la chaise-galerie, moi ainsi qu'un administrateur de la GE. Donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer à procéder au processus d'embauche, à l'affichage de postes et tout ça pour pouvoir embaucher quelqu'un. Et probablement, la date serait le 1er janvier, le 1er janvier, mais le début de la session de janvier, on voudrait commencer. Excitant ça. Oui, effectivement. Est-ce que ça veut quand même dire que vous allez vous mettre à faire seulement les seuls sandwichs vont être ceux de la chasse parce qu'il va y avoir encore les bocs marmiteuses, panettiers. En fait, on va continuer de s'approvisionner chez le panettier pour les pains. Okay. Ça, c'est probablement, en fait, ça a été discuté. Mais en fait, on va y aller progressivement pour l'échange de production. Ouais. C'est juste pour être sûr qu'on est capable de bien, de bien faire la transition, de bien fournir puis que tout va bien. Donc, c'est sûr qu'on n'ira pas d'une shot en disant bon, il n'y a plus de fournisseurs. On va vraiment y aller. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir une cuisine pour pouvoir faire des sandwichs dans la chasse. Oui, exactement, sauf que ça, c'est par via Molson, en fait, que quand on achète, parce qu'en fait, quand t'es dans un bar, t'achètes de la bière, par exemple, à des fournisseurs comme Molson, en fait, on achète un contrat avec Molson, donc il y a à peu près 13 façons de recevoir de l'argent par la bière que t'achètes, en fait. Okay. Donc, tu sais, c'est comme des redevances un peu de différentes formes. Puis il y a certaines de ces redevances-là qui permettent d'améliorer l'environnement marketing du bar. Ben ça, c'est une des c'est un des éléments, en fait, qui peut être utilisé pour aller chercher, justement, ces... Donc, l'achat de bière va payer pour la future cuisine. Exactement, t'as tout compris. Donc, buvez! Oui, buvez! Allègrement! Effectivement, parce que c'est ça, le projet a été accepté. Ça s'avère vraiment être un projet qui va permettre aussi de récupérer la production, d'augmenter les portions, puis aussi d'augmenter légèrement la profitabilité de ce type de... Tout le monde gagne. Oui, exactement. Et en plus, nous, on a de quoi de bon à se mettre dans la bouche. Oui, en plus. J'ai bien hâte de goûter à ça personnellement, je pense, que tout le monde aussi, les auditeurs. Ensuite, on a parlé du Conseil des universités légèrement, qui est un projet quand même qui est... Qui est au niveau national, la ministre de l'Enseignement supérieur veut mettre sur pied un conseil des universités où elle va regrouper les différents recteurs des universités, entre autres, avec quelques étudiants sur ce conseil-là aussi. Un espèce de comité qui va coordonner les universités au Québec. On est en train de lire différents mémoires et différentes opinions sur le sujet pour savoir si on devrait se positionner pour ou contre, dans quelle mesure, d'un côté ou de l'autre, pour être en mesure, lorsqu'il va y avoir des annonces, de se positionner puis de faire des revendications. Puis aussi, on assiste à une table nationale avec l'AVEC, donc Donc, on peut faire des recommandations aussi autour de cette table-là sur quelle optique ça devrait prendre. On les revoit d'ailleurs en janvier pour en discuter et ça et de plein d'autres beaux sujets. Ensuite, on a parlé à l'ADEDA à l'entente sur l'utilisation de locaux. Malheureusement, je peux seulement dire le point, le nom de ce point à l'ordre du jour-là parce que c'était du huis clos. Ouais. Donc, c'est sûr que. Le fameux huis clos. Oui, exactement. C'est sûr que quand on parle de points qui sont un peu plus. Confidentiel parce que c'est des ententes justement soit avec l'université ou avec une entente en général ou des données financières qui sont pas encore vérifiées par un comptable, c'est sûr que on est obligé de garder ça un peu plus, je dirais, pas secret mais confidentiel, ouais. Le temps que ce soit vraiment vérifié puis que ce soit on a quelque chose à présenter qui est solide là. Donc, c'est ça, c'est en travail, en fait. Sinon, l'agenda de l'OGEQTR, on se relance déjà dans ce projet-là. On est presque rendu, ben pas presque rendu, mais les fournisseurs ont été trouvés. On a trouvé des soumissions, puis on a vraiment trouvé un fournisseur qui était moins cher que l'année dernière. Donc, vraiment, ça, c'est très bon pour l'OGEQTR aussi au niveau financier. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près ça pour le CE. Ouais, c'est dimanche, je pense. Oui, exactement. Puis il y a aussi un point en fait qui a été annoncé, qui a été rajouté à l'ordre du jour, qui était la démission du VP Finance, oui, mon deuxième point. Comme si c'était pas assez difficile de trouver un gars par intérim pour l'autre poste de tantôt, là. Oui, exactement. Quelqu'un d'autre qui démissionne. Ben oui, effectivement. Donc Justin Barrette a fini son mandat le 30 novembre. Donc il a dû prioriser ses études. Donc il a choisi d'y aller plus vers ses études. C'est quelqu'un qui veut devenir CPA en plus comptable. Ouais. Donc c'est quelque chose qui demande vraiment un bon engagement. Donc on comprend ses raisons pourquoi il a décidé de s'en aller, mais c'est sûr qu'il va nous manquer en fait dans l'équipe. Puis d'ici là, ben c'est moi qui vais gosser des états financiers. Ah ben oui, parce qu'on a pas assez à faire. Non, c'est ça. Mais comme Justin avait réussi à bien faire en sorte d'automatiser un peu le poste de VP finance, tout le monde est autonome dans l'équipe au niveau des employés, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, donc ça devrait pas être trop problématique à l'avenir. Là. Je dirais que je vais juste avoir peut-être à regarder des états financiers puis à gérer des plaintes d'assurance collective, mais au-delà de ça, je pense vraiment que ça sera pas une grosse charge de travail supplémentaire. Bon, bonne chance. Oui, merci. Sinon, bientôt, c'est le camp de mi-mandat qui s'en vient. Oui, exactement. En fin de semaine même, on s'en va dans un camp à Saint-Élie-de-Caxton pour se réunir en conseil exécutif. Entre autres, pour peut-être régler certains trucs puis se recentrer, peut-être créer un meilleur climat organisationnel, un meilleur climat d'équipe pour travailler dans le futur. En plus, on va revoir nos plans d'action parce qu'il y a des ajustements à faire un peu, je dirais, au niveau des échéanciers, entre autres, au niveau des plans en général. Il y a des officiers qui s'en sont mis beaucoup sur les épaules. Il y en a d'autres qui en ont peut-être mis un peu moins, on va essayer d'ajuster tout ça, puis ensuite on va réajuster le budget en conséquence. Tout ça va être présenté au prochain CA qui va être le 11 décembre prochain. Okay. Donc les gens vont être en mesure d'approuver ou non les modifications qu'on va leur proposer. Donc on va faire bien beaucoup de team building aussi en fin de semaine. Donc il y a vraiment plein d'aspects positifs. J'ai l'impression qu'on va revenir super ben encore mieux en motivé. Fait. Motivé exactement. Ouais. Mm-hmm. Ouais, la semaine prochaine, donc on va pouvoir se relancer sur nos projets pour la deuxième partie du mandat en fait, qui est la moitié était en novembre, le 1er novembre en fait. Donc on est rendu un peu plus que la moitié, il reste à peu près 5 mois de mandat. Ouais, parce que votre mandat commence au mois de, c'est quoi, avril, mai? Il commence le 1er mai, puis il se termine le 30 avril. Voilà. Mais on est quand même proche de la moitié, nous autres aussi. Ouais. La session, je parle. Ouais, tout à fait. L'année scolaire. Oh oui. Voilà, c'est tout. On n'a pas d'autres points. On aurait bien sûr parlé du Movember, mais on n'a pas les détails pour ça. Est-ce qu'on peut en reparler d'ici la prochaine chronique, non? Ben c'est en fait le Movember finit le 30 novembre, qui est la veille de la chronique. C'est vrai. Mais surveillez bien les babillards, peut-être, ou la page Facebook de l'OGEQTR. Il y a une activité Movember qui s'en vient un 5 à 7 à la Chasse Galerie. Donc, ça devrait être une activité super intéressante. Surveillez bien. J'ai pas exactement la date. J'ai oublié de prendre les détails, mais gênez-vous pas pour aller voir Solan Anange et. Solan Anange. Je peux pas m'obliger de le dire à chaque émission. Ben oui. Mais bon, c'est rien à voir avec Ariane. On va en parler pareil. Et Michael Saint-Pierre au local, au pavillon de la vie étudiante, en fait, ils vont se faire un plaisir de vous informer s'il y a quelques. Ben, en fait, pour l'activité, pour trouver c'est où puis c'est quand. C'est cool. Ta barbe, là. Oui. Vraiment belle. Merci beaucoup. Comment tu fais pour avoir une belle barbe? Ah, écoute, c'est ça. Il l'entretient. Ouais, c'est un mélange entre entre le rasoir et entre le. Les gènes. Oui, exactement. Entre les rasoirs à lame et le rasoir électrique, en fait, c'est un juste milieu. Ouais, c'est les gènes. Ouais. Bref, merci Alex Marchand. Merci à vous de m'avoir reçu encore aujourd'hui. Hey, j'ai trouvé en passant la page Facebook de l'activité. Exactement, c'est le 30 novembre. Ça prend un participant par association. Vous devez comparer vos moustaches le 30 novembre durant le 5 à 7. Et la meilleure moustache va gagner. En fait, et par la suite, le 1er novembre, vous devez prendre une photo de vous avec la moustache rasée. Ah, wow. C'est cool. Mais moi, ma moustache est tellement affreuse que là, je suis allé avec le No Shave November. Oh. Ça existe pour vrai. C'est vrai. Je me suis pas rasé à date depuis le 30 octobre. Oh wow. C'est vraiment laid. Tu vas te ramasser avec une belle barbe le premier novembre. J'ai hâte de voir ça. Ça pousse pas. Ça pousse pas. Quand même, il y a une belle progression. Là, merci. Ça, vous me voyez pas à la télévision en ce moment, mais bon. Ah, caméra 3. On devrait faire 3. Installer des webcams, jamais, tu sais. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a déjà plein. Les gardes de sécurité regardent l'émission. Oui, c'est ça. C'est fun pour eux autres. Écoute, je serais même pas surpris. En fait, ouais, ça se pourrait. Ouais, moi, mec, je sais pas. Allô? Bon, bref, merci Alex. Merci encore. Nous, on écoute les Delaware Chuck, parlant de poilus. De poilus? Ils ont l'air de gars poilus, je ne les ai jamais vus vraiment, mais ils ont l'air poilus. Les Delaware Chuck. Et désastre tout de suite. We were lost. We were so close to crashing. Hopeful, but tragic. Mountain, Hopeful. Je trouve ça bon à la fin. Je trouve ça ressemble à. Tu sais, Lilo et Stitch. J'avoue que ça fait très Disney, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Bonsoir, on va entendre les Delaware Chuck. C'est fou. Allez, on prend une pause. Au retour, l'Info Campus, la chronique de Tania et plus tard, une grosse pointe d'adresse sur C'est fou. Oh, c'est oui. Assemblage requis en ce jeudi 24 novembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Justement, Tania, tu vas nous faire Tania is gonna entertain you dans quelques instants. Rappelle-nous de quoi tu vas nous parler tantôt. Mais je vous fais le retour sur ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. La tradition du jeudi. Et voilà. Mais avant ça, voici l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Culture Mauricie offre 6 prix accompagnés de 1 000 $ pour le prochain gala Art Excellence. L'événement aura lieu en mars 2017. Tous les artistes et organismes culturels ont jusqu'au 2 décembre 2016, 16h, pour soumettre leur candidature. Les formulaires sont disponibles sur le site de Culture Mauricie. Le mercredi 30 novembre aura lieu la 2e édition de la balade culinaire ivoirienne. Un repas typique du pays vous sera préparé pour un coût de 10 $. L'activité se déroulera au Centre intégré des pâtes et papiers. Confirmez votre présence au 819-701-0163. L'Association étudiante de finances et d'investissement boursier vous invite à une simulation boursière sous le thème de Retour vers le futur. La simulation aura lieu le 26 novembre, de midi à 17h, à l'Atrium de l'UQTR. 2 250 $ en prix seront remis aux participants. Pour les gens intéressés, il faut former une équipe de 4 personnes. Les inscriptions se font à partir du site lepointdevente.com et les billets sont au coût de 50 $. Un repas, une collation, 3 consommations et une soirée karaoké sont inclus. La billetterie ferme le 24 novembre à minuit. Le Comité Femmes et Développement du CS3R, en partenariat avec le groupe d'Action Femmes, organise un 5 à 7 nicaraguayen. L'événement bénéfice se tiendra le mercredi 30 novembre au Nord-Ouest Café. Les profits iront à l'organisme Collectivo Ocho de Marzo, qui milite contre la violence faite aux femmes. Le coût d'entrée est de 5 $ et les billets sont disponibles au Nord-Ouest Café. Étudiants et employés de l'UQTR, c'est le moment de penser à la vignette de stationnement pour l'hiver 2017. Les étudiants doivent s'inscrire au tirage via le dossier de stationnement disponible sur le portail. La période d'inscription est du 1er au 19 décembre et pour le personnel, il est possible de faire la demande soit par le dossier de stationnement ou se présenter au centre de ressources multiservices. Veuillez noter que les stationnements sont réservés gratuitement aux personnes handicapées ayant une vignette officielle. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Les handicapés qui ont une vignette officielle, c'est eux autres, les Ivoiriens. Ivoiriens. Mathieu! Excuse-moi. C'est sûrement un gag de Pérusse, hein, il l'a sûrement déjà fait. Peut-être. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis à l'après-garde. J'ai jamais écouté Pérusse, mais je sors ces gags sans pour le savoir. T'as jamais écouté François Pérusse? Non, je m'excuse. effectivement le code. Ouais. La chronique Info Campus qui est écrite par David Ferrault, le rédacteur en chef du journal sur le campus, lui par Tania Baudin, monté par moi, travail d'équipe. High five! High five! Mm-hmm. High five! Maintenant, on va s'inter-encourager, s'encourager les uns les autres. Oui. Et je vais t'encourager, toi, Tania, à faire ta chronique. Et voici Tania merci. Is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ah, Tania, et aujourd'hui dans ta chronique, c'est la section spéciale sur les actualités et tout ce qui a reçu Tania attention. Exactement. Comme à chaque semaine, en fait, chaque jeudi, je fais un petit peu le retour de ce qui a retenu mon attention durant la semaine ou durant peut-être même la fin de semaine. Ouais, les 7 derniers jours, maintenant. Exactement. Comme à chaque semaine, je commence par ce qui se passe ici même, à Trois-Rivières. Donc, c'est... Exactement. Donc, l'expertise de l'UQTR au service de Madagascar, c'est un article du Nouvelliste, on l'aurait bien deviné, de Martin Lafrenière, qui parle que par le biais d'un programme de formation de 7,5 milliards de dollars, l'Université du Québec à Trois-Rivières va améliorer l'employabilité de 2500 jeunes de Madagascar. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, le gouvernement du Canada et la direction de l'université, ici même à Trois-Rivières, ont annoncé mercredi la concrétisation d'un programme de formation d'une durée de 5 ans qui va débuter en 2017. Et le fédéral est le principal partenaire financier du programme qui s'appelle Jeunesse malgache compétente au travail, fournissant 6,1 millions de dollars dans l'enveloppe qui est complétée par l'Agence universitaire de la francophonie et différents partenaires. L'UQTR va être le maître d'œuvre du programme de formation scolaire. Entre autres, ça va être secondaire, collégial et universitaire en bâtiment et en travaux publics, en tourisme, en hôtellerie, en restauration et en entrepreneuriat. Donc, le but, en fait, c'est d'amener les participants à trouver de l'emploi dans ces domaines-là et se lancer en affaires. L'objectif, en fait, est de leur permettre d'acquérir des connaissances et de développer des compétences pour qu'ils attribuent au développement de Madagascar. Ils sont 14 partenaires, dont l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de Madagascar. Oui, vous l'aurez deviné, c'était tout son un même titre. Ouais. L'université va conjuguer les efforts pour pouvoir faire de ce projet un espèce d'immense succès. Et c'est ce que racontait le recteur Daniel McMahon lors d'une conférence de presse qui a été faite depuis Madagascar, le lieu actuel du sommet de la francophonie qui avait lieu cette semaine. Et l'UQTR va travailler avec 9 instituts d'enseignement malgaches qui œuvrent dans des domaines de formation et des syndicats locaux. Donc, l'université va pouvoir aussi compter sur la collaboration de la Commission scolaire de l'énergie et du Collège La Flèche de Trois-Rivières pour justement offrir la formation qui vont couvrir les 3 niveaux d'enseignement là-bas. Je trouve ça vraiment cool. Félicitations à ces petits pingouins, girafes et autres de Madagascar. Un petit peu plus tôt cette semaine, ou la semaine dernière même, on avait parlé très, très, très brièvement d'une jeune fille qui était disparue à Trois-Rivières. Eh bien, elle a été retrouvée. Donc, la famille d'Alison Lefebvre-Giroux a comme poussé un soupir de soulagement cette semaine puisque la jeune fille a été retrouvée. La semaine dernière, sa mère avait lancé un cri du cœur sur les médias sociaux dans les... fait de nos jours. Ben oui, exactement. Et il faut rappeler aussi qu'Alison Lefebvre-Giroux s'était sauvée du palais de justice de Trois-Rivières le 9 novembre dernier. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. La mère mentionnait que c'était la première fois que la jeune fille décidait de faire ça à partir d'une situation comme celle-là, mais que c'était pas la première fois qu'elle décidait de partir sur un coup de tête sans avertissement pendant plusieurs jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été retrouvée et qu'elle est saine et sauf. Et voilà. Et le reste des détails n'importe pas parce que c'est pas de nos affaires. T'as voilà. Bien compris. Super. Il y a une trifluvienne qui fait parler, mais pour une raison pour laquelle on entend beaucoup moins parler parce que c'est pas nécessairement un sport qui se pratique beaucoup ici ou encore même à Trois-Rivières. En fait, c'est Elissa Allary qui est une joueuse de rugby qui fait l'équipe nationale de rugby à 15+. Au cours des dernières semaines, la Trifulvienne a repris du service au sein de l'alignement de François Ratier avec deux missions bien précises en tête, celle d'accrocher une médaille d'or à son cou à la Coupe du monde de 2017 et militer en faveur d'un financement plus équitable pour les joueuses de l'équipe nationale à 15. Donc, après les Jeux olympiques de Rio, où elle a assisté à la conquête de la médaille de bronze de l'équipe nationale de rugby en tant que réserviste, malheureusement depuis les gradins, la demi de mêlée s'est offerte une pause d'un mois, question de songer justement à son avenir. Il y a plusieurs de nos athlètes québécois qui arrivent à devoir faire ça, plusieurs athlètes canadiens aussi, parce qu'on sait que côté revenu, c'est pas nécessairement comme les autres un petit peu ailleurs ou surtout du côté des États-Unis. Donc, on se pose souvent des questions par rapport à l'avenir des athlètes ici. Mais par la suite, un match de ligue entre la Colombie-Britannique et eux a suffi à la convaincre pour s'investir dans une dernière année à défendre les couleurs du Canada. Donc, elle dit que c'est le fun de pouvoir revenir avec la gang. La motivation est vraiment très grande. Elle est très, très là. Et elle dit qu'elle veut partir à une dernière Coupe du monde. Elle veut gagner la Coupe du monde aussi. Donc, Elissa Allary a contribué à accroître la popularité du rugby féminin au pays en 2014, lorsqu'elle a aidé le Canada à rafler la médaille d'argent à la Coupe du monde. Et après être passée si près du sommet, une défaite de 21-9 en finale contre l'Angleterre, elle reprend donc l'objectif bien précis de pouvoir remporter le mondial en 2017. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire l'été prochain à Dublin, en Irlande. Bonne chance, c'est cool le rugby, c'est plein d'action. Oui, c'est vraiment cool. C'est surtout très, très violent. Ouais. C'est plutôt celui qui se rend au bout du terrain sans avec tous ses membres. C'est ça qui est fun à regarder, je trouve. Oui, vraiment. Il y a un article du Devoir qui a retenu mon attention cette semaine. C'est celui qui est sorti ce matin, en fait. Faut le dire, c'est Trump. Oui, je vais parler de Trump, mais attention. Ouais, mais dis-nous quel Trump. Donald Trump. Ah, Donald. Donald Trump. Ah, ouais. Qui a nommé deux femmes dans son équipe. Hey, révolutionnaire. Bravo. Hey. Il y a de l'espoir. Mais aucune couleur. Il y a de l'espoir. Sauf Ben Carson. C'est pas encore. Ouais. Donc, le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a insufflé une dose de diversité dans son équipe. 1% en cours de formation, en nommant mercredi Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, au poste d'ambassadrice à l'ONU, et une autre femme qui est Betty DeVos à l'éducation. Donc, le magnat de l'immobilier devrait aussi annoncer dans les prochaines heures que son ancien rival de la primaire républicaine Ben Carson, qui est un homme noir, va rejoindre son administration avec le portefeuille du logement, en nommant aussi Nikki Haley, gouverneure républicaine de la Caroline du Sud, qui est âgée de 44 ans. Le nouveau président semble vouloir élargir sa base et elle l'avait critiqué elle-même avec virulence et avait pris position lors de la primaire du Parti républicain pour l'un de ses rivaux. Mais la future représentante des États-Unis à l'ONU, dont la nomination a été approuvée par le Sénat, n'a pas d'expérience des questions internationales, mais elle est une négociatrice reconnue et il dit que nous avons l'intention de négocier plein d'accords en l'utilisant. C'est un bon atout. Alors, pourquoi pas? Ça donnera ce que ça donnera. Il y a de l'espoir. Parlant de femmes, est-ce que tu as vu que Jill Stein, qui est la candidate, la chef du Parti vert aux États-Unis, et là, je vais dans les airs avec ce que j'ai lu, mais va comme demander à ce que 3 ou 4 États américains soient recomptés parce que Hillary Clinton aurait potentiellement pu remporter ces États-là, ce qui pourrait faire changer le nombre de votes au collège électoral. En tout cas, bref, la nouvelle est sortie ça aussi ce matin ou hier soir. J'ai vu que Hillary Clinton aurait très bien pu... On va suivre ça. Aussi. Moins qu'ailleurs, mais on va suivre ça par. Ouais, c'est ça, exactement. De moins près. Du côté de Québec, j'ai vu la nouvelle cette semaine parce que je me suis rendue à Québec en fin de semaine. Je suis allée magasiner un petit peu. Et j'ai vu qu'on faisait des gros changements en fait du côté des galeries de la capitale. Les travaux du méga parc du galerie de la capitale, ils vont débuter en 2017. Donc présentement, on pouvait pas nécessairement se rendre encore parce qu'il y avait des gros travaux. Et l'enveloppe budgétaire pour le projet a toutefois bondi de 25 millions à plus de 50 millions. Donc plus de 50 millions de dollars pour le méga parc des galeries de la capitale. Donc, selon les informations, toutes les attractions, ou presque, ont en compte une vingtaine pour le moment, vont être remplacées. Ah. Donc, toutes les attractions, tout ce qu'on connaît, là, que ce soit la montagne russe, que ce soit l'espèce de montgolfière qui... Tu vas là souvent, toi, à la Galerie de la Capitale? Ben, pas nécessairement souvent, mais j'y allais vraiment souvent quand j'étais jeune. Puis c'est cool parce qu'en plein été, tu peux aller patiner. Ah! Donc, j'aime bien y aller, en fait. Ça me remet mon cœur d'enfant. J'aime la montagne russe. C'est bien correct. Et de notre côté, à Trois-Rivières, ils ont enlevé le seul restaurant du Carrefour Trois-Rivières-Ouest pour le mettre à côté du Walmart. Ben oui, c'est comme ça. Qu'ils vont la fermer, la foire alimentaire, rendue là, à un moment donné? Je sais pas, hein? C'est rendu placardé de pancartes pour des postes de radio que jamais personne ne voudrait écouter. Excuse-moi. Donc, personne ici présent. Ouais, c'est sûr. Donc, au cours des derniers mois, il y a plusieurs responsables du groupe immobilier Oxford, qui est copropriétaire du centre commercial de Le Bourgneuf, qui ont visité différents parcs d'attractions à travers la planète, justement pour dénicher des nouveaux manèges qui vont essayer de satisfaire les petits, mais aussi les grands. Parce que c'est comme un engouement qu'on voit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes qui veulent aller au mégaparc. Alors, on va essayer de faire une espèce de changement de ce côté-là. Et ils souhaitent amorcer les travaux le plus rapidement possible au cours de la prochaine année. C'est un investissement qui viendrait s'ajouter aux 140 millions qui sont déjà injectés par Oxford, qui est le bras immobilier de la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario, depuis les premiers coups de marteau pour moderniser justement l'établissement qui a commencé en 2015. Mmh. Donc, on va faire des gros travaux du côté de Québec, mais ça va valoir la peine! Yes, hey, j'ai hâte! Hey, je suis en train d'inventer un mot dans ma tête en même temps. Tu sais, mettons, tu pourrais comme avoir quelque chose pour trouver des nouveaux mystères. T'aimerais ça découvrir de nouveaux mystères. T'appellerais ça dénichifier. Dénichifier. C'est comme dénicher. Dénicher et mystifier. Je trouve ça très, très bon. Ouais. Quelle bonne idée, Mathieu. Hey boy, hein? Radio-Canada a fait parler cette semaine parce qu'on vend la tour. Ça fait quelques mois déjà qu'on en parle. Radio-Canada. Oui. Ah. La société d'État sera locataire d'un édifice dans la partie est de la propriété. Alors, qui est la société d'État? C'est le groupe MAC. M-A-C-H. Le maquillage? Non, M-A-C-H. Ah. Donc, Radio-Canada va céder sa tour au groupe MAC et va confier la construction de ses nouvelles installations au groupe Broccolini, qui va reloger le... Broccolini. Ah, okay. Qui va reloger le diffuseur dans la partie est du site à l'angle du boulevard René-Lévesque, pardon, et l'avenue Papineau. Donc, le conseil d'administration de CBC et Radio-Canada a fait savoir mercredi après-midi que ses membres avaient approuvé le plan de modernisation de la maison de Radio-Canada. Entreprise fondée en 1949, Broccolini, c'est un constructeur qui a réalisé 4 millions de pieds carrés de bureaux au cours des 10 dernières années un petit peu partout au Québec. Et son projet baptisé L'Avenue est situé en face du Centre Bell, va devenir en 2017 la plus haute tour résidentielle à Montréal avec 50 étages. Donc, on a formé un consortium avec les firmes différentes firmes pour justement faire une proposition pour la réalisation de la nouvelle maison de Radio-Canada. Et son offre a été préférée à celle du consortium qui réunissait Boussac et Pomerlo. Donc, on va avoir une nouvelle maison Radio-Canada d'ici quelques temps. Et le groupe dirigé par Broccolini va construire les nouvelles installations de Radio-Canada dans la partie est du site. Et le diffuseur va devenir locataire en vertu d'un bail de 30 ans. Donc, on va pouvoir voir au moins ça sur 30 ans. Eh bien, voilà. J'espère qu'ils vont la faire gratiner, la Broccolini. Broccolini, Bocconcini. J'espère. Ouais. J'espère pour eux. Ça a l'air bon. C'est vrai, pas fou. Facebook aussi a fait parler cette semaine. On a créé un outil de censure géographique. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, Facebook a décidé de créer un outil qui était capable de censurer des contenus publiés sur le réseau social. Le réseau social, dans certaines zones géographiques. Donc, c'est ce qu'a affirmé le New York Times mardi après-midi. Et ça présente l'initiative comme une tentative d'aider à mettre fin au blocage du service en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, on dit avoir parlé à 3 anciens et actuels salariés de Facebook qui ont expliqué sous couvert d'anonymat que l'outil permettait de supprimer automatiquement des contenus dans les fils d'actualité des utilisateurs qui se trouvent dans une région très spécifique. Ouais, parce qu'en Chine, on va censurer des contenus sur certains sujets, donc ces sujets-là pourraient être auto-censurés par Facebook pour pouvoir laisser Facebook entrer en Chine. Exactement. Okay. Donc, le réseau va pas faire de censure lui-même, mais confierait le logiciel à une tierce partie, peut-être même un partenaire qui serait en Chine. Et les sources du New York Times ont toutefois prévenu que ça faisait partie de plusieurs idées envisagées pour permettre à Facebook de revenir en Chine et pourrait n'être jamais mise en œuvre. Donc, c'est un projet. Il peut y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Ça peut se faire comme ça peut ne pas aboutir non plus. Et on dit que le premier réseau social mondial est interdit depuis 2009 en Chine, wow. où justement, les autorités maintiennent un strict contrôle sur Internet. Et le New York Times rappelle que, comme les autres groupes Internet américains, Facebook a pour pratique de respecter les législations locales et d'accéder aux demandes qu'il juge légitimes des gouvernements pour bloquer certaines informations après leur publication. Donc, on pourrait voir justement quelque chose comme ça arriver, mais pour le moment, on ne sait pas encore si ça va être mis à terme ou si ça ne verra pas le jour. Ouais, parce que embarquer dans l'engrenage de la censure dans différents pays, il va falloir commencer à avoir pas mal Et un peu partout, hein? Ouais, ça va être difficile à suivre, mais bon. Facebook. Et voilà, ouais, t'as bien raison. Je me suis intéressée à un journal dont je m'intéresse pas nécessairement tout le temps, en fait, si je le connaissais pas. C'est le Monde.fr, qui est un journal européen, et je suis tombée sur un article que j'ai trouvé très intéressant qui parle de la technologie, mais versus l'autonomie des personnes plus âgées, donc de nos seniors. La technologie, en fait, accompagnerait les seniors dans une autonomie évolutive. Qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du nombre de personnes âgées qui constitue quand même un défi très, très démographique, sociétal et économique pour la plupart du monde dans le monde, disons-le. Et la technologie aide les personnes âgées à maintenir un lien social avec leurs proches et des relations suivi avec le système de santé. C'est ce qu'explique M. Marc Yvon, qui est directeur du Human Centric Innovation Center d'IBM, et comment la technologie aide à faire face aux défis démographiques de justement du vieillissement de la population. Bien, il dit que les enjeux sont considérables et à l'échelle mondiale, le nombre de personnes de plus de 65 ans, attention, va doubler entre 2010 et 2050. Tu sais, ça veut dire que, mettons, à Trois-Rivières, ouais, tout le monde, oh, ou presque, vont être rendus des personnes âgées. Fait qu'Yves Lévesque est là pour rester. On dit qu'en France, présentement, ils sont actuellement à 7 aidants de 45-64 ans pour une personne de plus de 80 ans. Mmh. Donc, déjà, les personnes qui aident les personnes plus vieilles commencent, eux aussi, à vieillir, mais se rapprochent des tranches d'âge. Et en 2030, ils seront plus que 4 à pouvoir aider une autre personne. Donc, ce glissement démographique-là suppose de se doter de services proactifs et d'outils de prévention de la santé. Et la technologie arrive justement à aider et à pallier la baisse du nombre d'aidants, tout en assurant une espèce de suivi beaucoup plus régulier pour les personnes âgées. Et c'est lié aussi à l'automatisation. Et ce sont tous des opportunités qui se développent au moment où on assiste à des changements de business models dans tous les secteurs, notamment dans l'assurance, la collectivité territoriale, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, justement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui font en sorte que cette fameuse technologie-là amène cette aide aux personnes âgées. Donc, ça peut être une très bonne chose. C'est merveilleux. Tout à fait. J'adore ça. Absolument. De savoir que on peut aider les personnes âgées, c'est pareil. Ça. Sans avoir à se déplacer pour aller. Mais oui, exactement. Tu sais, moi, ma grand-mère, je me souviens, avant que mon grand-père décède, elle n'avait pas Facebook, elle n'avait pas Internet, aucun ordinateur. Mais mon grand-père avait toujours voulu avoir un ordinateur. Et lorsqu'il est décédé, ma grand-mère a décidé d'avoir un ordinateur. Et là, elle est sur Facebook. C'est beau. Elle lit beaucoup de choses sur Facebook. Elle like, surtout, parce que les commentaires, ça, on n'est pas rendu là. Mais c'est vraiment cool, parce que justement, elle le dit. Tu sais, j'ai des cousins qui vivent à Granby. J'ai de la famille qui vit à Québec aussi. Ouais. Donc, elle est capable de rejoindre tout le monde et de savoir ce que tout le monde fait un petit peu partout. Je pense que les tablettes aident encore plus que les ordinateurs de nos jours, parce que c'est tellement plus simple encore d'aller sur une tablette. Juste cliquer sur Facebook, écrire tes affaires. T'as pas besoin de chercher. Non, exact. Je pense que c'est une très bonne chose, voilà. En fait. Échec du traitement expérimental contre l'Alzheimer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais parlé justement qu'on était en train de faire une recherche du côté des États-Unis sur un nouveau médicament qui pourrait justement améliorer l'état de santé Alzheimer de certains patients. Malheureusement, on a un échec de traitement expérimental pour ce médicament-là. Et c'est pour vous remettre dans le bain, c'est le laboratoire américain Eli Lilly qui a annoncé mercredi que les essais en phase avancée de son traitement expérimental pour des patients qui souffrent d'une forme modérément avancée de la maladie d'Alzheimer n'étaient pas concluants, malheureusement. Donc, on se rappelle le nom du médicament, c'est le solanezumab, qui n'a pas rempli le critère d'évaluation principale de l'essai clinique qui était en phase 3 à ce moment-là. Donc, la dernière étape avant la demande de mise d'autorisation sur le marché, c'était cette étape-là. On a indiqué que le laboratoire avait tout simplement pas réussi à arriver au résultat concluant pour qu'on puisse le mettre sur le marché. Et c'est un peu triste tout ça. Les patients traités avec le médicament n'ont donc pas enregistré de ralentissement statistiquement significatif de leur déclin cognitif par rapport à des patients qui étaient traités avec un placebo. Mm-hmm. C'est pour cette raison, en fait, que c'est un échec, en quelque sorte, exactement. Mm-hmm. Donc, le laboratoire aussi dit qu'ils ne vont pas déposer de demande d'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament-là dans le traitement de la démence modérée due à la maladie d'Alzheimer. On se souvient, c'était aussi au tout début, on pouvait leur donner ce médicament-là et ça pouvait justement ralentir remettre la maladie. Exactement. Parce qu'on ne peut pas en ce moment du tout arrêter complètement. Il faut juste calmer les symptômes. Exactement. Donc, on ne pourra pas non plus mettre ce médicament-là pour ces raisons-là sur le marché. Et le laboratoire Eli Lilly avait pourtant fait en juillet des résultats intermédiaires qui étaient prometteurs, qui montraient qu'il y avait des patients dans les premiers stades justement de la maladie qui étaient traités avec le médicament, qui avaient persévéré et que la plupart de leur capacité cognitive avait eu des très bons résultats par rapport à ceux qui avaient pris un placebo. Mais malheureusement, à la dernière étape des essais, ça l'a échoué. Dommage. Très triste. C'est pour la prochaine fois, peut-être. Ben oui, ouais. Ben oui. Je veux terminer avec une nouvelle qui m'a quand même surprise. La France aurait une fréquentation touristique en recul ces derniers temps. Ah. La fréquentation estivale a reculé. C'est pas un énorme chiffre, mais elle a reculé quand même de 2,5% en France, selon des données qui ont été publiées plus tôt cette semaine et qui met en avant le poids des attentats sur le bilan particulièrement mauvais pour la Côte d'Azur et l'agglomération parisienne. Ça fait un an, je crois, environ. Oui, ouais. Exact. Donc, encore pour ces raisons-là, présentement, la France a un recul du côté du tourisme. C'est tout sûrement simplement temporaire, quand même. Là. Probablement. Il y a des attaques terroristes partout, puis les gens continuent d'y aller quand même. C'est normal. Ben, j'espère, en fait, parce que, tu sais, la France, c'est beau, puis c'est nos voisins, quoi. Ben voilà. Hein? Ouais. Arrêtez d'attaquer le monde, là. Laissez-nous aller où bien on veut. Ouais, ouais. Bon. J'ai rien fait. Mais non, c'est pas toi, tu comprends? Ouais. C'est ces nouvelles-là qui ont attiré mon attention cette semaine. C'est cool, ça. On aurait pu en parler pas mal plus, j'en avais beaucoup plus, mais... T'étais moins compressé que d'habitude quand on te met à 7h30, hein? Exactement. Ça va très bien, là, quand même. On a pu prendre notre temps pour parler des nouvelles. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Le bulletin de nouvelles de Tania est chaque semaine, les jeudis, et le reste de la semaine, c'est Tania is gonna entertain ya, du lundi au jeudi à Assemblage Rocky. Merci. Ça fait plaisir. Tu vois, on fait des formules de politesse comme ça. Merci de rien, fait plaisir. Bonjour, halala, monsieur. Oh, on peut saluer aussi Martin Lambert qui est venu faire un petit tour pendant que je parlais. On aurait dû dire, hey, reste pour une grosse pointe en dresse on tantôt. On aurait dû. Mais bon, il est reparti. Vu qu'on se fait des formules comme ça de politesse, voici oui. Manque de respect de Ripé. Wow! Assemblage requis! Sur les ondes de CPI 89 FM! Qu'est-ce que t'as à me regarder? M'en va t'attendre d'un coin pas éclairé. Tu danses proche de ma blonde en faisant des steps. Là, le gros jeune fiche transperce le squelette. Pas de respect, yeah, yeah. manque de respect à Assemblage Requis. Au retour, tout le monde s'amuse dans une grosse pointe tendresse. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis qui continue pour encore une demi-heure en ce jeudi 24 novembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a gardé Alex Marchand. En fait, on l'a ramené de la collecte de l'âge écouteur tantôt. Oui. Salut. Yay. Juste à temps pour la dernière demi-heure de mon calvaire rumesque cette semaine. Tu survis bien, là. Tu survis quand même bien. Ça paraît presque pas, Mathieu. Ouais, en ondes, c'est pas si pire. C'est sûr que tantôt, j'avais pas d'écouteur, fait que j'entendais moins bien, là, mais bon. Ouais. Bref, tu es là avec nous pour t'amuser pour une grosse pointe d'aldresse, c'est le fun, hein? Ça commence. Ah oui, et j'aime ça, la pizza. Ça quoi? La pizza. Ok, la pizza, tu dis. Oh, oui, exactement. Pizza, non, c'est exact. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, un produit acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, et quelque chose de malsain qu'on ne devrait pas se procurer. On se sent coupable après. Les règles, en gros, d'habitude, on va voir normal. Si Tania les a suivis, d'habitude, c'est soit mauvais pour la santé, mais ça, c'est pas essentiel. En tant que le facteur le plus important, c'est qu'on n'ait jamais goûté. Ouais. Ça, on n'a jamais goûté. En tout cas, toi et moi, on ne l'a jamais goûté. Je ne sais pas pour moi Alex. Non plus, non. Et que ce soit quelque chose que les gens peuvent se procurer. Oui. Ouais. Donc, que ce soit achetable à quelque part au moins. Mm-hmm. Fait qu'on ne pourra pas faire un potluck autour du micro. Là, ça ne marchera pas. L'idée d'un potluck qu'Alex a amené est parfaite. Tout le monde amène un produit quelconque qu'on a acheté, trouvé. Oh, ça marche très bien. Mais pas quelque chose que vous avez cuisiné. Ça, c'est ça. Pas, moi, je pensais plus à ça. C'est une belle salade de macaroni. On ne pourrait pas. Ben, ça pourrait être drôle. Si c'était ça, ça pourrait être drôle. Bref, et aujourd'hui, cette semaine, en fait, c'est Tania qui nous a amené un produit elle-même. Oui. Et j'espère que ça va me surprendre un minimum. Ben, je sais pas, du moins, je vais essayer de sauver ton rhume ou ta grippe. Oh. Donc, c'est pas mauvais pour la santé. Okay. Je pense qu'au contraire, c'est quand même bon pour la santé. Tant mieux. C'est achetable quelque part. C'est bon. C'est quoi déjà le troisième critère? Qu'on n'a jamais goûté. Dans le fond, la règle pourrait être genre d'avoir au moins 2/3. OK, c'est bon. J'ai une bonne moyenne. Fou, fait que je te présente, Mathieu, le Rise Vert. qui est à la menthe et chlorophylle. Et non chloroforme. Il fait une nuance importante à faire. Oui, c'est ça. On peut juste m'en regarder les trois. On est quand... il n'y a plus rien au micro. Mathieu, c'est un genre de vert brun, oui, non? Oui, Mathieu n'a vraiment pas l'air sûr. C'est du kombucha, en fait. Donc, qu'est-ce que le kombucha? Je vous ai fait une petite recherche, là, bien, bien rapide. C'est une boisson qui est acidulée d'origine mongole qui est obtenue grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures. Ah, ouais. Attention, dans un milieu sucré, donc par exemple les thés ou les tisanes, avec du sucre blanc, du miel, du jus de raisin. Et traditionnellement, c'est préparé en Russie ou en Chine avec du thé vert ou du thé noir sucré. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. On dirait que tu as plongé la bouteille, tu sais, dans le fond d'un lac. dans le fleuve Saint-Laurent, en fait. J'ai pas encore mis la photo sur Wikipédia. Ouais, c'est ça, plus, c'est là. Dégueulasse. Ça ressemble à une culture de bactéries. Wow. Donc, on dit, en fait, sur la bouteille, que c'est comme grandir ensemble. Parce que ça dit, et si travailler rimait avec s'amuser? Tu vois, c'est un petit peu ce que l'on fait. Beau. Et si nous bâtissons notre réalité à coups de rêve et d'audace? Et qu'arriverait-il si nos décisions étaient propulsées par un désir de poser des actions qui font une différence? Rise! Excuse-moi, de rêve et d'audace, on dirait en plus que c'est de l'eau de as. Non! Audace! Hein? Dégueulasse, Mathieu. Donc, Rise, c'est ça. C'est un breuvage qui vous élève et qui vous fait vibrer et qui vous fait grandir ensemble. Ça veut dire qu'on va tout pousser à la fin de la journée. je voulais te dire ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je ne retrouve pas les ingrédients. Ah, ici, ingrédients. Donc, c'est écrit petit en maudit sur la bouteille. Oui, vraiment. Eau filtrée, sucre de canne biologique, culture de kombucha, chlorophylle, thé vert biologique, menthe poivrée biologique, thé noir biologique et gomme de xanthane. Donc, ça s'en vient pas pire. Et pour une moitié de bouteille, je tiens à dire que c'est 414 millilitres. Donc, pour la moitié, c'est 31 calories, pas c'est pire? Ouais. Est-ce que c'est correct que tu brasses comme ça la bouteille? Oui, il faut que je le brasse parce qu'il y a des petits... dégueulasserie, là. Hein? Ouais, il y a des petits dépôts dans le fond. Il y a des petits dépôts dans le fond. Mais Mathieu, si tu veux savoir d'où ça vient, Rise, je te lirai peut-être la. De Sainte-Thérèse. De Sainte-Thérèse. Non. En fait, c'est québécois, ça vient de Montréal, mais c'est venu en premier lieu des plages de Hawaï à Montréal. C'est parce que la mère de Rise, en fait, a fait beaucoup de chemin. Donc, tout le monde pense que sa propre mère est vraiment spéciale, mais il y a une raison pour laquelle Rise, c'est la mère de tous les kombucha. C'est qu'elle mène une vie rangée à Montréal où elle a grandi. La mère est née dans le sud du Pacifique. Donc, lorsque les Globetrotters, Mathieu Galland et David Côté, qui sont les fondateurs, se sont croisés par hasard à des milliers de kilomètres de la maison pour les plages de Hawaï, leur amitié s'est développée au même rythme que leur passion pour les aliments vivants et les breuvages des îles. Et une idée a vite fait de germer dans leur tête et les gars sont passés de Aloha à Allo en ramenant littéralement leur plan d'affaires dans leur bagage. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que Rise est né. Alors que la mer s'acclimentait à la météo du Nord-Est, Galland et Côté ont rencontré Simon Bertrand, l'ancien président de Rise, et les trois amis ont monté une équipe d'étoiles qui est composée de gens d'affaires, les brasseurs des breuvages et des scientifiques qui ont pour objectif de créer avec un kombucha local, biologique, équitable et végétalien. Donc, les rues pavées d'érable sont aujourd'hui à 100 lieues des plages jonchées de palmiers, ce qui fait l'histoire de notre mère est si unique. Et ils disent, nous sommes fiers de partager ce breuvage écologique et socialement responsable avec vous. Voyez chaque bouteille de Rise comme une fleur unique, c'est-à-dire mi-collier hawaïen, mi-fleur de lys. Boy! C'est de la imagé. Poésie. Oh, très imagé. C'est j'ai toujours pas compris poésie. C'était qui la mère, par exemple. Ouais, ils ont son nom. C'est une image. Ouais, une image. Je sais pas. Je regarde la bouteille visuellement. Bon, c'est sûr que ça a l'air d'un fond de lac comme un santo. C'est là? Dégueulasse. Oui, c'est en vide. Mais il y a une flèche qui pointe vers le bas. Est-ce que tu sais oui. pourquoi? La flèche qui vise vers le bas dit en fait ce dépôt est normal et rempli de merveilles. Ouais, c'est, je vais dire ça quand je vais aux toilettes demain. C'est rempli de merveilles. Si on se fie à la photo Google, je suis sûr que ce qu'il y a dans la bouteille, ça a l'air pas mal plus cute que ce qu'il y a sur Google, par exemple. Ouais, allez voir la page, c'est quoi, kombucha que t'as tapé sur Wikipédia. Ouais, exactement. Hey, je pense que j'ai trouvé la mer. Ça doit être la petite statue hawaïenne avec la tête clichée. Ah oui! Ça doit être comme leur mascotte, genre moitié madame hawaïenne, moitié bonhomme carnaval, ouais. Je sais pas. Wow. Alex, si t'es capable, je te demanderais de me prêter le micro magique par-dessus. Ben oui. Ouais, exact. Reviens à celle-là, prends ça, c'est bon ça, parfait. Et qu'on est ordonné dans ce studio-là, ça se peut pas. J'ai changé de micro, puis ça paraît à peine. Ça paraît même pas. Tu l'as pas dit. Donc, je vais ouvrir ça pour vous, mais. Là, on décrit un petit peu qu'il y a un collant qui est collé par-dessus le bouchon pour montrer que le bouchon n'a pas été ouvert précédemment. Exactement. Ça dit, en passant, un breuvage qui goûte aussi bon qu'il l'est pour vous. Ah! Hein? Donc, ça peut très bien aider ton rhume, parce que ça dit, en fait, que c'est bon pour les gens qui se sont levés trop tôt. Ceux qui ont trop mangé ou qui sont sortis trop tard. Hey, les trois sont parfaits pour les étudiants. Oui. Exactement, c'est pourquoi ils le vendent. On remonte systématiquement du Rise. Est-ce que tu l'as acheté à la chasse galerie? Oui. Oui? Okay, parfait. Oui. Ok, j'y vais. Je suis pas capable de l'ouvrir. Voyons donc. Tania. Ok, Alex, est-ce que t'es capable de l'ouvrir? Dans le micro magique. Dans le micro magique. Ok, micro magique. Fallait pas le shaker. T'es sûr qu'il fallait le brasser? Mais je te jure, dessus, c'est marqué brasser. Mais c'est donc bien cave. Là, ça a vraiment juté sur les côtés. Mais faites-en pas, il n'y a pas de dégâts, là, c'est juste sur un plancher. Non, c'est ça. Là. Ne pas s'inquiéter. On et sur les jeans d'Alex. Nous sommes des professionnels. D'ailleurs, on a oublié de vous dire que David Ferron est dans la pièce présentement. Non, David Ferron n'est pas là. T'imagines? Il n'a pas de voix. Ah, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi David n'est pas là, probablement parce que c'est pas sa chronique. Mais on l'invite quand ça nous tente de l'avoir dans les pattes. Mais non, il manque de voix. Il y a une réunion à 10h tantôt, fait qu'il va faire toute la réunion en langage des signes. Ça sent même pas la menthe. Je vais te verser dans le micro magique. Ah, ça sent bizarre, par exemple. Je suis toujours pas convaincu. Et puis tantôt, ça disait que ça, c'est aussi bon pour toi que ce que ça goûte. Ben, je me questionne sur le bas-clé présent. Ça goûte mauvais et ça marche. D'après moi, ton nez va être débouché. Honnêtement, là, je sais pas. Hein? Moi aussi, je me pose cette question-là. Ça sent le chlorophylle. Je sais pas si ça sent le chlorophylle ou le chloroforme présentement. Mais je sais le formol. Tu sais, c'est censé sentir la menthe. Un petit peu de kiwi. Ah! Kiwi. Ça sent pétillant. Merci. Atelier va venir m'emporter un à la maison, livraison à domicile. Merci. Ah, si ça sent pétillant, là, je me questionne, est-ce que tu trouves que ton Perrier a une odeur particulière? Ah non, mon Perrier, non. Mais tu vois, tantôt, il disait que c'est fait avec de la culture de quelque chose qui a, comme, qui a passé beaucoup trop de temps. Ouais. C'est peut-être à cause de ça que c'est pétillant. Ça sent, on dirait que je pourrais genre... c'est comme un truc pour remover de vernis à ongles. Non, crois-moi, le remover. Ça sent même... Ça sent le pouce en bas, là. Ça sent vraiment le pouce... Ok, je tiens à dire... Ça sent, je vais me choper le pouce après la canne. J'ai bu le jaune qui est à la citronnelle. Ouais. Ça sent la même chose. Mais est-ce que c'est bon, le jaune? C'est bon, le jaune. Et le rouge aussi est bon. Okay. Donc, j'imagine que le vert pourrait être popé. Parce que des fois, je me demande quasiment si les gens boivent ça pour être à la mode. Hier, j'en ai vu un, là, j'ai vu un gars là, qui se calait ça. Là. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, le gars est, comme t'as dit, lendemain de veille, trop mangé et fatigué. C'est clair, puis il voulait pas prendre comme 12 cafés à Chasse-Galerie. Ok, mais je pense qu'on va devoir le boire éventuellement. Là, donc, ouais, avez-vous remarqué qu'on voit pas le fond du verre? Ouais, mais inquiète. Ok, non, j'ai peur. Je sais pas si j'ai goût de me lancer présentement. La petite gorgée, est-ce qu'on fait comme à la piscine pour y mettre une grosse gorgée? Je là? Vous ai donné vraiment des gros verres à plus, les gars. Je me rendrai pas au fond. Prends pas ton verre. Ok, on est quand même un bon point. Ouais, non, mais Mathieu, j'en ai donné un plus gros parce qu'il y a le rhume. Ah oui, merci. C'est pour qu'on puisse le sauver. C'est une belle attention. Exactement, on y va? On y va, go! J'ai comme le goût de me pincer le nez. Pas si pire que ça. Hey, ça goûte meilleur que ce que ça sent. Ça goûte un peu les pommes vertes ou la pleure de pommes vertes, on dirait, je trouve. Ça goûte à rien. Non, c'est vrai, c'est neutre comme goût. C'est très neutre. Tu trouvais pas, il y a comme une peau de quelque chose, peau de kiwi, peau de pomme. Ah, moi, je trouve, ouais, ça fait un peu kiwi. Ouais. Mais il n'y a pas de pomme dedans, là, Mathieu. C'est pas mauvais. Dis-moi pas que je vais mourir. Peau de pomme. Pas de pomme. Mais non, ça goûte. Ça goûte mais il y a de la menthe, il y a du thé. Et du thé noir, puis de la culture de kombucha. Ben, ça me rappelle un thé glacé, honnêtement. Oui. Un vrai thé glacé, là, pas les thés glacés de Nestlé, là, mais un thé glacé fait avec du vrai thé avec du et vrai de la thé. Glace. Ça me rappelle un petit peu ça. C'est pas mauvais. Je trouve. Ça goûte honnêtement meilleur que ce que ça sent. Mais est-ce que ça a l'air visuellement? Oui, de ce que ça a l'air visuellement. C'est pas super. Ok, je vais m'en mettre un peu sur le côté, moi. Je pense que je vais le mettre en haut. Ouais. Alex. Oh, neutre. Neutre, ouais. Neutre. J'aime pas ça, mais je déteste pas ça non plus. Donc, t'sais. Deux pouces sur le côté et un pouce en haut. Ouais, mais peut-être qu'avec un bon hangover, ça serait encore meilleur. C'est ça, d'après c'est moi, parce là, que... c'est à ce moment-là, ça serait le moment idéal. Je pense que je boirais plus ça que du Gatorade, mettons. Oui, ouais, ouais moi avec. Ça se boirait bien, accompagné de quelque chose à manger, peut-être. Un petit bagel, je sais pas trop, quelque chose. Pour pas avoir à boire ça tout le long, là. Genre une toast aux avocats pour filer une toast aux avocats. Avec. Ou comme Alex Marchand a fait tantôt, t'es allé, comme dans la chronique précédente qu'on a fait ce matin, t'es allé te faire un sandwich au bar de Pine. Oui, exactement, j'ai pas pu m'en empêcher, je m'avais donné faim hein, quand j'en ai donne-nous ta recette. Tantôt, ben, écoutez, moi, j'ai pris un pain brun, un pain de blé entier, parce que c'est meilleur pour la santé. Puis avec beurre de peanut, je vais pas nommer la compagnie, mais c'était du light crémeux. Avec de la confiture aux fruits des champs. Fait que, oh my god, mais c'était un petit sucre en plus. Là, puis j'ai juste fait griller mon pain avant qu'il devienne un peu trop dur. Genre, fait que, il y avait une espèce de moelleux encore à l'intérieur, donc c'était délicieux. C'est sûr qu'on donne faim à tous nos auditeurs présentement, mais désolé si vous êtes pris dans un bureau. Hey, si vous avez raté la chronique tantôt des 15 façons genre d'améliorer votre salut sur le bord de pin, allez-vous écouter la balado-diffusion. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà essayé? Je me suis demandé si ça se fait. Pardonnez-moi, ça fait un petit peu roté, ça, sur le truc. Oui, mais, c'est gazifi. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de faire rôtir votre pain avec la barre de peanut dessus? Est-ce que ça marcherait? Dans un petit four, tu parles. Ouais, pour comme le faire imbiber. Il faudrait une plaque, par exemple, parce que ça va couler. Ah, une plaque, ouais. Mais c'est vrai que oui, ça pourrait être une très bonne idée. J'ai parlé d'un grill à panini tantôt pour faire ton sandwich au bar de pain. Oh boy! C'est le jus qui fait ça. Président de l'AGFTA. Bon, donc. Il fait de l'impro aussi, le président, faut pas oublier. Il fait de l'impro, puis à chaque fois qu'il fait un gag déplacé, je dis, il va être président de l'AGM. J'ai jamais entendu, je trouve qu'on s'en retrait dans ma gueule. Ça doit être ça. Donc, maintenant qu'on a goûté à ça, qu'on a dit deux pouces sur le côté et un pouce en haut pour le kombucha. Non, c'est du Rise, la compagnie Rise. Mm-hmm. C'est à quelle saveur? Celui-là, c'est menthe et chlorophylle. Menthe et chlorophylle. Allons-y donc avec quelques nouvelles de fast-food. McDonald's qui teste un nouveau Big Mac au Sriracha. Ouh! Ouais, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le Sriracha Big Mac Sauce, donc c'est un mélange de Sriracha et de sauce Mille Îles, comme la sauce normale pour le Big Mac. Et c'est identique sinon à un Big Mac normal. Et il y a aussi une sauce Sriracha Big Mac qui est disponible pour les sauces pour tremper les croquettes ou les frites. Et c'est aussi une option pour les autres sandwichs. Donc vous pouvez mettre une sauce Sriracha Big Mac dans d'autres hamburgers en Ohio. Ça se passe dans le centre de l'Ohio jusqu'au 31 décembre. Et c'est une place très populaire pour tester des produits pour McDonald's Central Ohio. Je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ça, mais bon, quand même. Un peu comme. Ils testent tout le temps leur affaire là-bas. Ouais. Hein? Ben c'est un état important, même pour les élections américaines. On dit que c'est un état pivot, l'Ohio. Mm-hmm. Un swing state, comme je l'appelle, un état balançoire. Et moi, je pense que ce qui m'a le plus frappé dans ce que tu viens de dire, c'est que la sauce Big Mac a un nom, la Mille Îles. Non, en fait, la sauce Big Mac est la même sorte de sauce que la sauce Mille Îles pour la vinaigrette pour les salades. C'est similaire. Si vous voulez faire une sauce à Big Mac, vous pouvez vous inspirer de ça. Il y a des recettes sur Internet pour faire votre propre sauce Big Mac. Oui. Et ça commence avec de la sauce Mille Îles. Mais me semble, OK, de la sauce Mille Îles, mais je pense qu'il y a aussi genre du ketchup, de la relish, puis de la mayo. Ouais, moi, c'est tellement bête, ouais. Là. Je pense que ça ressemble à ça un petit peu, ouais. Ouais. Ensuite, ça va être vraiment cool. La prochaine affaire, c'est quelque chose qui est très populaire en ce moment aux États-Unis. C'est la barre Milka Oreo Chocolate Candy Bar qui vient enfin d'arriver aux États-Unis. C'était seulement disponible ailleurs dans le monde. Et là, j'imagine qu'avec l'arrivée en Amérique du Nord, ça va finir par venir au Québec. C'est une barre de chocolat, mais de marque Oreo. Bien. C'est donc, évidemment, on sait que le chocolat... un petit peu... La cote chez Mathieu, oui. La cote chez Mathieu, non, c'est ça. non, j'allais dire que le cookie, le biscuit le plus vendu aux États-Unis, c'était le Oreo. Et donc, le chocolat est évidemment une des collations les plus populaires aussi. Il y a plusieurs variétés dans la ligne, dont l'Oreo Big Crunch Bar, qui est deux morceaux de chocolat en bas et en haut. Au centre, t'as... Ben, en fait, je vais y aller en ordre. T'as en bas, chocolat, ensuite crème blanche d'Oreo, l'intérieur d'un Oreo, ensuite d'autres crèmes blanches et ensuite un autre chocolat. Big Crunch, ça a l'air génial. Et ça, c'est en barre de 10.5 onces. T'as la Milka Oreo Chocolate Candy Bar, la Milka Oreo Choco Mix Snack Mix Bag. Et donc ça, c'est un sac de mini Oreo avec des mini morceaux de Golden Oreo, de boutons de chocolat Milka de morceaux de chocolat couverts de bonbons. T'as plein de sortes comme ça, ça s'en vient. Si tu veux faire du diabète, tu vas t'acheter ça, c'est ça que t'es en train de nous dire. Et les trois variétés arrivent en janvier 2017. Je sais pas si c'est le kombucha, là, mais en regardant ça, ça me fait vraiment beaucoup saliver. Là. Ça a l'air excellent. C'est là. Vrai. Pour vrai, c'est pas pour rien que tout le monde sur Internet parle de ça, ça a l'air génial. Ah oui. Ensuite, Church's, qui est un restaurant de poulet aux États-Unis, Church's Chicken, qui amène les bouchées de biscuits au cinnamon. Tu sais, cinnamon, c'est comme les brioches à la cannelle. Oui. Il y a des restaurants cinnamon, il y a des produits cinnamon que tu peux acheter en magasin. Et là, ils font des genres de Timbits en édition limitée. Des biscuits en bouchées comme des Timbits à la cannelle. Ça a l'air super bon. On peut trouver ça dans les Church's Chicken. Ça, c'est, je pense, une des expressions les plus difficiles à dire. Church's Chicken. Church's Chicken. 5 morceaux pour 1,29 américains. Il y a aussi le Chicken Fried Steak qui est de retour pour un temps limité chez Church's. Church's Chicken qui est d'ailleurs un très bon exercice de diction pour les gens qui font du théâtre qui nous écoutent. C'est un virlang, c'est ça? Un virlang. Ensuite, on va chez Pizza Hut. On a parlé la semaine passée d'une croûte de pizza deep dish avec du bacon autour du fromage. C'était comme l'intérieur de la croûte avait du fromage et le fromage était enveloppé de pepperoni, excuse-moi. De pepperoni. Cette fois-ci, Pizza Hut sort sa pizza à la croûte au bacon à El Salvador. Voilà. Bacon Gold Crust. Donc, ça ajoute une couche de bacon en D et du fromage parmesan et cheddar sur n'importe quelle... sur la croûte de la pizza, de n'importe quelle pizza, dans le fond. Donc, ta croûte est disponible dans les pizzas small, pan pizza, les grosses pizzas, peu importe. Ça a l'air bon. C'est des dés de pizza et du pepperoni sur la croûte avec du fromage par-dessus. Yum. Et j'ai vu la publicité de... c'était chez Little Caesars. C'est une pensée qu'on avait parlé de la croûte fromage et pepperoni. Et dans l'article, on disait qu'il y avait quatre bords... Non, attends un peu. Ça disait quatre... Huit coins, ouais, je pense. Huit coins. Et j'ai vu la pub, c'était finalement deux petites pizzas qui sont côte à côte, collées ensemble. Et il y a de la croûte tout le tour, dont au centre. C'est pour ça qu'il y a huit coins. Je vois. Pour ceux qui se posaient la question la semaine passée. C'est parce que les coins de pizza, c'est tout à meilleur. Ben oui, ouais. C'est pas pour rien. À la cafétéria aussi, quand ils font les coins, là, même s'il y en a déjà préparés sur le... les casseroles. Je peux avoir un coin. Je vais prendre un coin, s'il te plaît. Vous vous rappelez, l'année passée, on avait peut-être pas... l'année passée, il y a deux ans, je crois, on avait goûté aux chips croustillés Lay's Wavy au chocolat. Tu te rappelles, c'est des chips enrobés de chocolat? Bon. Maintenant, ils sont de retour avec des morceaux d'amande à l'intérieur. Ça a l'air super bon. Donc, Lay's Wavy Milk Chocolate, donc des croustillés couverts de lait au chocolat et avec des morceaux d'amande sprinkles sur le dessus, genre un petit peu de, au goût, là. Ouais. C'est-tu au Canada, ça, ou juste aux États-Unis? Celui-là est aux États-Unis en ce moment. Mais par contre, comme celle de l'année passée, où il y a deux ans, était venue jusqu'au Québec, les chocolats au lait, ça me surprendrait vraiment pas de voir ce sac-là aussi. Vrai. En dépendant, c'est peut-être même déjà là. En plus, ça a été trouvé dans un Target, si on se fait à l'article. Oui. Que d'après moi, on n'en trouvera pas bientôt au Canada. Ah, ouais. C'est vrai. Ah, mais c'est pas exclusif à Target. Non, c'est clair. Ensuite, le Krispy Kreme. On se rappelle, il y a quelques semaines, on a parlé d'un beignet original glacé à la citrouille qui était chez Krispy Kreme pour une seule journée. Mm-hmm. Une seule journée. Et bien maintenant, c'est revenu pour une deuxième seule journée. Oh. C'est encore passé, mais c'était le 16 novembre. Donc, des fois, des choses qui sont là pour une journée, s'il reste des stocks, d'après moi, ouais, ils finissent ça. Par faire une autre journée. Mais bref, de toute façon, c'est passé. Ensuite, c'est une tarte au macaroni au fromage qui est un plat que n'importe qui peut faire. Non. Selon Lifehacker. L'idée vient de Justin Chappell, qui est l'éditeur, rédacteur en chef senior chez Food & Wine. Il décrit le plat comme une tarte aux pâtes. Macaroni au fromage, donc il utilise trois types de fromage, le fontina et le cheddar qui fondent très très bien, ainsi que le parmigiano reggiano qui lui crée les coins qui sont très croustillants. Tu sais, chaque fromage a son utilité, il y en a qui fondent plus, d'autres qui fondent moins, d'autres qui gratinent mieux, d'autres qui gratinent moins. Donc la recette est de mélanger du spaghetti avec des œufs, des fromages et du lait et ajouter le mélange dans un bundt pan. Bundt, c'est le gâteau avec un... comme un genre de gros beng, là, le mm-hmm. centre. On a tous déjà vu ce genre de choses-là. Là, ouais. Le moule à gâteau bundt. On met ça au four pendant environ 35 minutes. Une fois que c'est refroidi, on va virer ça à l'envers sur une assiette et on va pouvoir avoir du crispy sur le dessus à la place du dessous. Miam. Ça a l'air vraiment génial. Donc, c'est la recette sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, on s'en va chez PFK au Royaume-Uni avec un nouveau sandwich au poulet de Noël avec sauce canneberge et patates, mais pas de sauce. Pas de sauce brune, malheureusement. Mais non, j'espère. Tu mets pas de sauce brune si t'es canneberge. Mais à côté, des fois, la sauce brune avec tes patates. Il y a de la sauce blanche dedans. Il y a de la sauce blanche, moi, style vinaigrette un peu. Bref, c'est donc un sandwich au poulet avec de la sauce canneberge et des hash browns, c'est les patates à déjeuner, si on veut. Mmh. C'est au Royaume-Uni, c'est une première pour la chaîne, avec un filet de poulet, recette originale, sauce canneberge, patates hachées brunes, fromage, lait dessus. Du sage, c'est une sorte d'herbe, ça, je crois, du sage. Je pense que oui. Et de la mayonnaise aux oignons, ainsi qu'un pain aux graines de sésame. Génial. Les hash browns qui remplacent les patates pilées ou les patates rôties qu'on a d'habitude dans un repas de l'Action de grâce américaine. Ah, ben oui. Ouais. Et puis, c'est ça, c'est au Royaume-Uni. Il y a des chaînes comme McDonald's et Burger King aussi qui offrent un repas spécial de Noël. Ensuite, chez Hostess, on a des Twinkies. Vous savez, les Twinkies, c'est comme des genres de... pas des May West, mais un peu... C'est australien, ça, des Twinkies? Je sais pas, il me semble que c'est américain, mais je suis pas certain. Ah ouais? Je sais pas. Mais bref. C'est un film de zombies, je pense, qui cherchait juste des Twinkies, là. Genre, oui, exactement. Oui, c'est pas Zombieland? Ouais. Ah oui, c'est Zombieland. Exactement, ça va me marquer. J'avais des Twinkies. Ouais, ben ça me surprend qu'il y en a tellement de mentions dans la culture populaire américaine qu'on n'ait pas encore de Twinkies ici. J'imagine que c'est à cause du monopole de Vachon et leur demi-lune. Et ça existe pas chez Walmart? Les Twinkies, ça me surprendrait, peut-être. Je pense. Ça se peut, possiblement. Mais bref, la raison pour laquelle on parle de Twinkies, c'est que maintenant, on vient de sortir chez Hostess les Twinkies Deep Fried Banana Twinkies. Mmh. À la banane et c'est frit. Ça a l'air tellement bon. Bref, il n'y a pas de détails de plus que ça. Non. Ensuite, Ben & Jerry's qui sort une version limitée de sa crème glacée Cherry Garcia, mais au chocolat. Ça s'appelle, c'est leur plus populaire. En passant, on avait parlé de ça la semaine passée, que c'était leur sorte la plus populaire aux cerises, surprenamment, parce que ça me semble que c'est plate. Ouais, c'est ça. Mais bref, donc c'est Ben & Jerry's Chocolate Cherry Garcia. C'est sorti l'été passé, il y avait eu des versions comme flippées. On avait parlé une couple de fois à l'émission de versions flippées de leur saveur qui étaient seulement disponibles en boutique. La première, c'était Totally Baked, qui était comme un twist sur leur saveur Half-Baked. C'était suivi de Tubby Hubby, qui était une version flippée de Chubby Hubby. Et maintenant, la troisième, c'est Chocolate Cherry Garcia. À la place d'avoir de la crème glacée à la cerise, comme la version originale de Cherry Garcia, cette version-là, c'est de la crème glacée au chocolat avec des flocons de cerise et de fudge à l'intérieur. Ooh. C'est vraiment le contraire, si on veut. La saveur est disponible seulement en boutique chez Ben & Jerry's aux États-Unis. Ça va être disponible pour un temps limité dans... Ah, ben tiens, ça le dit juste après que ça va être pour un temps limité dans les épiceries, mais plus tard dans l'année. Ah, OK. Voilà, donc ça, c'est chez Ben & Jerry's. J'imagine juste un étudiant du cégep avec les yeux un peu rouges pétard entrant dans une un truc Ben & Jerry's pour se commander une crème glacée half-baked. Tellement! La saveur préférée des drug heads. C'est génial. Bref, voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. On doit se terminer cela parce que, Colin, on manque de temps. Mais merci, Alex Marchand, d'avoir participé à la chronique. Ben, merci de m'avoir invité encore. C'était bien le fun. C'était bon, contrairement à toutes les appréhensions. Oui, là, j'ai... absolument. Ouais, il y a un petit peu plus vers le haut, finalement. Après coup, là, je me sens désaltéré présentement. Je reste sur le côté. Bref. Merci aussi à David Ferraud de ne pas être venu. C'est une blague. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, on termine l'émission d'aujourd'hui pour la semaine. En ce moment, c'est comme ça, ça arrive. Encore une fois, ben, j'ai déjà dit merci à Alex Marchand. Lundi à l'émission, on va avoir Alassania Kouyi avec une chronique sur les maladies génétiques dans le bus magique. Ça se passe à 8h lundi. Sinon, lundi, on a aussi sport et filoché avec toi, Tania. OK, oui. Voilà. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on va avoir à 9h30, bien sûr, Génial Liberté. Ça s'en vient dans quelques instants avec Samuel Girard et sa collègue Stéphanie Rompré-Lanouette. À 11h, c'est Patriotes en action avec les sports universitaires. À midi, la rediffusion du Mathieu Plante-Chaud. 15h, la rediffusion de la sortie de secours à votre gauche. 16h, la rediffusion de l'Hub Trotter. 17h, la rediffusion de Radio Sonic quand ça a lieu parce qu'ils viennent une fois sur deux. Et à 19h, en direct, Très Blues, assez fou. Ce soir, Tania, qu'est-ce qui s'en vient à Très Blues, assez fou? Dis-moi. Eh bien, ils vont être en direct du nouveau restaurant Scores de Trois-Rivières. Ils se sont fait une petite beauté et leur collaborateur, Paul Deslauriers, va être avec eux là-bas pour faire l'émission. Génial! Est-ce qu'il va y avoir, comme d'habitude, des biographies de Steven Hubert? Ben oui, parce que Steven Hubert va être là. Tout le temps, les biographies de Steven, c'est Steven qui parle de lui-même tout le temps. Ça. C'est Steven qui fait des billets. Ah, des billets fait de d'autres morts, excuse-moi, oui, j'avais pas réalisé. Bref, Très Blues, assez fou, c'est ce soir à 19h sur nos ondes. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se retrouve lundi à 6h30, puis passe donc une belle fin de semaine. Bon café! Bye! Wow. Prenez soin de vous.